بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا إخوة الإسلام درسنا 40 في المورد العذب الزلال للشيخ النجمي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى. C'est frère en Allah Azza wa Jal, notre 40e cours autour du livre de la source délicieuse et abondante dans la critique de certains voies d'il dawa et de certains mouvements et de certaines croyances. Et c'est il est de Cheikh Najmi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la. يقول حفظه الله رحمه الله واخيرا فان عقيده وحده الوجود عقيده إلحاد وزندقة وتأليه للمادة، وهي في ذلك تشابه الشيوعية شبها بينا، فالشيوعية شعارها لا إله والحياة مادة. وهي enfin dit Cheikh رحمه الله تعالى la croyance de l'unicité de l'existence, c'est une akhida de mécréance, et c'est le fait de faire que la matière devient une divinité. Ainsi, les sophies ont des points de ressemblance clairs avec le communisme. Le communisme, son emblème, il n'y a pas de divinité et la vie est une matière. فأله بذلك المادة وهي كل ما نراه في هذا الكون. والصوفية يقولون في وحدة وجودهم لا شيء في هذا الكون سوى الله. وكل ما نراه ونسمعه ونحسه بأي نوع من الإحساس فهو الله. Et ainsi, les communistes ont fait que la matière soit tout ce que nous voyons dans cet univers. Et les sophies disent que dans leur unicité d'existence, dans cette croyance de mécréance, disent qu'il n'y a rien dans cet univers qu'Allah. Dire tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu sens, par n'importe quel sens, c'est Allah. ويقولون هو الإنس وهو الجن وهو الملائكة وهو الطير وهو الهوام وهو الحشرات والزاحفة وهو البحر المائج والبر المترامي والهواء الطلق وهو الشجر والحجر وهو الجيف العفنة والشهوة العارمة هو الحي الحياة التي تسري في الأحياء وهو الموت الذي يصير الميت جثة وهو الذي يولد ويموت وهو كل شيء. Donc ils disent Allah c'est l'être humain, Allah c'est le djinn, Allah c'est les anges, Allah c'est les oiseaux, Allah ce sont les insectes, Allah c'est les bêtes sauvages, Allah c'est l'océan avec ses vagues, Allah c'est le désert, Allah c'est l'air, Allah ce sont les arbres, Allah ce sont les pierres, Allah ce sont les cadavres au puyon, Allah c'est le plaisir et le désir mauvais. Et Allah, c'est la vie, il est le vivant, et il a la vie qui est dans tout ce qui existe. Il a la vie qui rentre dans tout ce qui existe. Et il est la mort qui rend tout mort un cadavre. Et il naît, et il meurt, et il est toute chose. A'oudhu billah. Na'oudhu billahi min al-hawr ba'd al-kawr wa min al-khudlan. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salamata wa al-afiyah. وأن يثبتنا على معتقد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ما الذي جعلهم في هذا المستوى ويصلون إلى هذا المستوى؟ إنه التصوف الخبيث. Qu'est-ce qui a fait d'eux qu'ils arrivent à ce degré? Qu'est-ce qui a fait d'eux qu'ils arrivent à ce point-là? C'est leur sophisme impur qui les a amenés là. فعقيدة وحدة الوجود أيوة وحدة الوجود أيوة الإخوة في الله تأليه للمادة لأنها تقول أن كل شيء كل ما تراه هو الله إذا جعلوا المادة من بحار وأشجار وصخور كلها هي الله. Donc le dogme de la croyance de l'unicité de l'existence, c'est le fait de faire de la matière que la matière c'est elle Allah et c'est elle la divinité. Parce qu'ils disent, tout ce que tu vois, c'est Allah. Donc, ils ont fait de la matière, que ce soit les océans, les pierres, les animaux, et ils ont fait que tout ça soit Allah, Azza wa Jal. فَهَلِ النَّصَارَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ هَلِ الْيَهُودُ عِنْدَهُمْ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ هَلْ بَلَغَ هَؤُلَاءِ بَلَغُوا أَصْحَابُ وَحْدَةِ الْوُجُودِ بَلَغُوا كُفْرًا مَا بَلَغَهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. Maintenant, réfléchissez, frères en Allah, Azza wa Jal. Est-ce que les juifs ont ce genre de paroles? Est-ce que les chrétiens ont ce genre de paroles? Ceux qui croient en l'unicité de l'existence sont arrivés à une mécréance que n'ont même pas atteint ni les juifs ni les chrétiens. Comme l'ont décrété les hommes de science. « Wa Marx al-Yahudi, alladhi ja'a bi fikrati shiyu'iyya, la yustab'adu. La yustab'adu. » أن يكون أخذها من كتب الصوفية كابن عربي وابن سبعين والمستشرقون عموما لهم عناية بهؤلاء أخرجوا دلاسات عن الحلاج وابن سبعين وعمر الخيام وجلال الدين الرومي وابن عربي وأمثال هؤلاء الزنادقة. إذنك الشيخ الجهني يقول que Marx le juif qu'il a ramené l'idée du communisme, c'est pas loin qu'il l'ait prise des livres d'Yel-le Sufisme, qu'il l'ait peut-être pris d'Ibn Arabi, d'Ibn Sbi'in, car il dit que les orientalistes en général se sont occupés beaucoup à étudier les livres et les vies d'Yel-le Hillaj, d'Ibn Sbi'in, Jalal Dirromi, d'Ibn Arabi, et d'Ibn Sbi'in, d'Ibn Al-Farid, et les exemples de ces gens qui croient dans la mécréance et qui sont tombés dans la mécréance. وبقليل من التفكير يقول الشيخ النجمي حفظه رحمه الله تعالى نرى أن كل ما قالوه هو المادة التي ألها الشيوعيون ويتضح لنا أن هذه الأشياء غير قائمة بنفسها وأن الخالق لها والمتصرف فيها هو الله الذي اتفقت على إنكاره النحلة الشيوعية والنحلة الصوفية سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. ولقد عقد مؤلف كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة فصلا في آخر كتابه ببيان التشابه بين الصوفية والشيوعية وهو آخر فصل فيه صفحة 871 قال فيه هناك تشابه عجيب بين الصوفية والشيوعية من وجوه ومن وجوه هذا التشابه. Et الشيخ النجمي رحمه الله تعالى de nous dire avec un peu de méditation et un peu de réflexion, nous voyons que ce qu'on dit les soufis dans leur croyance dans l'unicité de l'existence, c'est la matière. Ils ont fait que la matière soit leur divinité. Et c'est la même chose, c'est cette même divinité qu'ont élevé les communistes aussi. C'est la même. Chez les communistes, la matière, c'est leur devin. Hein? Il n'y a pas de divinité, mais la vie est une matière. Donc, ils vénèrent la matière. Donc, c'est la même chose. C'est un point en commun entre le communisme et les sophies qui croient en l'unicité de l'existence. Et tout ceci te apparaît clair par certaines choses. Que ces choses qu'ils ont pris comme divinité ne s'accomplissent pas elles-mêmes. Mais ils ont besoin d'Allah, Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère ce monde. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère l'être humain. Et ces choses qui sont gérées par Allah, Azza wa Jal, que ce soit le communisme ou le soufisme, ils ont un point en commun, c'est qu'ils ont nié Allah, Azza wa Jal. On le voulant, directement ou indirectement. Et celui qui a écrit dévoilé le soufisme pour le dévoilement du soufisme pour la première fois, il a réservé un chapitre dans son livre à la fin, à partir de la page 871, où il montre les points en commun entre le soufisme et le communisme. Et c'est le dernier chapitre dans ce livre. Et il dit dedans, et il y a certains points extraordinaires qui attirent l'attention sur la ressemblance entre le soufisme et le communisme. Et Cheikh Najmi de nous citer certains pour voir comme quoi l'égarement, hein, il est lié l'un à l'autre. فيقول الشيخ وجه التشابه أولا الصوفية والشيوعية تلتقيان بعقيدة وحدة الوجود والخلاف بينهما لفظي فالصوفية تقول لا موجود إلا الله وكل الموجودات هي الله والشيوعيون يقولون لا إله موجود إذن فالخلاف في التسمية فقط هؤلاء يسمونها الله تعالى تعالى الله عن قولهم وهؤلاء الشيوعية يسمونها المادة. Donc, et le premier point de ressemblance et le premier point commun entre les communistes et les sophies, c'est qu'ils se rencontrent tous les deux dans la croyance de l'unicité de l'existence. La différence qu'il y a entre eux, c'est l'expression qu'ils utilisent. Sophia disent, il n'y a rien d'autre qui existe dans l'existence sauf Allah. Il n'y a qu'Allah qui existe. C'est-à-dire les animaux, tout ce que tu vois, c'est Allah. Donc tout ce qui existe, c'est Allah. Azzawajal. Les communistes disent, il n'y a pas de divinité qui existe. Donc, la différence entre eux, c'est dans l'expression, dans l'appellation tout simplement. Les sophies appellent tout ce qui existe Allah, a'oudou billah, et les communistes appellent tout ce qui existe la matière. Donc, la seule différence qu'il y a entre eux, c'est l'appellation. Hada, ils ont dit tout ce qui existe, c'est Allah, les autres ont dit tout ce qui existe, c'est la matière. الوجه الثاني من التشابه بين الصوفية والشيوعية الصوفية والشيوعية تلتقيان في الكذب الذي لا يعرف الحدود فالصوفية يكذبون على الله ومخلوقاته من العرش إلى الفرش من دون خوف ولا حياء والشيوعيون شعارهم أكذبوا ثم أكذبوا ثم أكذبوا وسوف يصدق الكذب. Donc, et le deuxième point commun entre les sophies et les communistes, ils se rencontrent dans le mensonge, hein, qui ne connaît pas de limite. Sophia monte, les sophies montent sur Allah, ils mettent des mensonges sur les créatures d'Allah, sur le trône d'Allah, sur la terre, sur toutes choses, sans avoir peur. Sans avoir peur. Ils sont aucune pideur. Quant au communisme, leurs emblèmes, je mens et je mens et je mens, et après on prendra comme véridique le mensonge. Et ceci a été vu dans l'empire communiste qui existait. Je mens et je mens et je mens, et après le mensonge sera pris comme véridique. Hein? Et donc ils ont un point en commun. Le mensonge. Les sophies montent sur Allah et sur toutes ses créatures, et les communistes montent aussi. Talitan. الصوفية والشيعة والشيوعيين تلتقيان في الكيد للدين والمكر به مثلا تقول الصوفية إن الصوفية نزلت وحيا من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكان محمد صلى الله عليه وسلم صوفيا وأخذ الطريقة عنه أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم والشيوعيين يقولون إن الإسلام دين اشتراكية وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم اشتراكيا. Aussi, le troisième point de rencontre entre eux, hein, le sophisme et le communisme, c'est que tous, hein, creusent des trous pour l'islam, ils manigancent contre l'islam. Les sophies disent que Sophia est une révélation qui est venue minallah azzawajal sur son messager alayhi salatu wassalam. Et Mohammed alayhi salatu wassalam était un sophi. Et il a pris la voix, et de Mohammed alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, Omar et Ali ont pris la voix du sophisme, et autres, et les autres compagnons. Les communistes disent l'islam, c'est la religion, hein, du socialisme. Et Mohammed a.s. était socialiste. والذين قالوا أن الإسلام دين الشراكية هم شيوعيون العرب من أجل أن يمرروا الشيوعية في العالم الإسلامي ويخدعوا بها الشباب وربما احتجوا بآيات من القرآن. أما ماركس ولينين وستالين، هؤلاء ما يعرفون القرآن ولا يعرفون الإسلام، ولكن الشيوعيين العرب هم الذين أدخلوا هذه الأشلاء الأشياء. الإسلام دين الاشتراكية، الإسلام دين المساواة، وتجد هذا ها والاشتراكية موجودة حتى في كتب سيد قطب. Donc frère Allah Azza wa Jal, quant à ceux qui ont dit que l'islam c'est la religion du socialisme, ce sont les communistes arabes qui l'ont dit. Pourquoi ? Pour que la pilule communiste et les idées communistes puissent se propager dans le monde musulman, et ainsi ils ont trahi la jeunesse. Peut-être même des fois, ils utilisent comme preuve certains versets du Coran. Quant à Marx, Lénine, Staline, ceux-là, ils ne connaissaient pas le Coran, ne connaissaient pas l'islam. Mais les communistes arabes, eux, qui ont rentré le communisme dans les pays arabes, c'est eux qui ont dit que la religion et l'islam est une religion communiste, est une religion d'égalité. Même ce terme comme quoi l'islam est une religion communiste, on le trouve dans certains livres de Sayyid Qutb. يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى وتلتقيان في العدائل الدين الصحيح وهو دين التوحيد والحق والعدل والعقيدة الصحيحة فالصوفية تختص بعدائها للسلفيين وتسميهم الوهابيين مع أنها تتعاطف مع سائر النحل الوثنية والباطلة حتى ولو كانوا ممن يزعمون لأنفسهم أنهم على السنة والسلفية وقد رأينا كيف تعاطف الإخوانيون مع الشيعة وإمامهم الخميني وزعموا أن الشيعة هم أهل الإسلام الصحيح وحدهم وحدهم ونسوا وتناسوا أن الشيعة يؤلهون الأئمة ويسبون الصحابة ويبيحون الزنا ممثلا في المتعة أما الشرك فليس من قواعد إنكاره ولا محبة من ينكره. فهنا الله عز وجل الشيخ النجمي رحمه الله de nous dire et les communistes et les sophistes se rencontrent dans le fait que tous les deux sont les ennemis de la religion authentique, la religion du monothéisme, la religion de la vérité, la religion de la justice, la religion du dogme avenant. Les sophis, leur grand ennemi, ce sont les salafis. Ils appellent les salafis les wahhabites. A'oudou billah. Alors qu'ils ont une sympathie pour toutes les autres sectes. Et ils ont même de la sympathie avec ceux qui prétendent être sur la sunna ou sur salafia. Nous avons vu que l'Ikhwan ont eu de la sympathie même avec Shia, avec leurs imams Khomeini. Et ils ont prétendu que Shia, ce sont eux les gens de l'islam authentique. Et que c'est eux les premiers. C'est eux les seuls qui sont sur un islam authentique. Et ils ont oublié, ou là ils se sont fait oublier que Shia, prennent comme divinité leurs imams et insultent les compagnons de Mohammed alayhi salam. Ils autorisent zina dans le mariage de plaisir d'El Mout'a. Quant à l'associationnisme, ça ne fait pas partie des règles d'El Sophia de le blâmer. Ils n'aiment pas ceux qui blâment l'associationnisme. Et donc, et regardez aussi ce qui se passe avec Jama'at Tabligh, puisque le cours, il s'agit de Jama'at Tabligh. C'est ça qui nous a amené, qui a amené Cheikh à nous parler du sophisme et de ces grandes calamités que vous avez entendues depuis. C'est le troisième cours à entendre dans les calamités d'Yal Sophia. Regardez comment l'Ahbash et Tablighin se sont liés. Il y a un pacte entre eux ici à Paris. Entre eux, le Libanais parmi le Machaïr d'Yal Tablighin qui s'appelle Wissam et les instances, les hautes instances d'Yal Ahbash pour qu'il n'y ait aucune guerre entre eux, pour qu'ils ne s'attaquent pas mutuellement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un point en commun. Ils ont un point en commun. Ils ont quoi comme point en commun ? Le sophisme. Et ils ont un seul ennemi en commun, ce sont les salafis, ikhwat al-islam. La hawla wa la quwwata illa billah. Et ceci, ce pacte qui a eu entre eux le tien de personnes qui sont dignes, qui étaient présents au moment où cette alliance s'est faite. Et que Allah subhanahu wa ta'ala maintenant a comblé ses frères qui étaient des anciens dans cette jama'a, il les a comblés, a quitté carrément ce pays de mécréance et à être installé dans la ville du prophète alayhi salam à Médine. Que Allah subhanahu wa ta'ala les préserve. Donc, et tu vois aussi que dans l'histoire que je t'ai racontée l'autre jour, que Même l'associationnisme, Tebligh ne le blâme pas. Tiens, raconter cette histoire de ce grand Qudama au Maroc, quand il était avec son groupe aéré à travers la montagne du Rif, dans la région de Husima, il est arrivé à la tombe d'un saint qu'ils appellent dans la région Sidi Mbark, et s'est arrêté, il a commencé à faire l'éloge, alors que les gens viennent, ils ramènent des émulations, ils font du shirk à côté de ce sanctuaire, et lui, il commence à parler des éloges de cet homme. Au lieu de blâmer ce qui se passe et dire à ceux qui sont autour de lui, faites attention, n'agissez pas comme cela, ne tombez pas dans l'association, là, il faisait l'éloge de celui qui est dans la tombe. Alors vous voyez, il y a des points en commun. C'est Cheikh Nejmi ne s'est allé sur Sophia, c'est qu'il y a une raison, Ikhwat al-Islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de toute forme d'égarement. Wa yaqulu Cheikh rahimahullah ta'ala wa shiyu'iyatu tu'adi l'islam wahda wa tata'atafu ma'a sa'ir al-adyan fatashabahat fi dhalik. Et Cheikh Nejmi rahimahullah ta'ala de nous dire le communisme, son grand ennemi, c'est l'islam. Et alors qu'il a des affinités avec les autres religions. Quant à l'islam, c'est son grand ennemi. Et dès que dans ces cas-là, hein, le sophisme a ce point en commun avec le communisme. ثم قال نقلا عن كاتب الكشف عن الصوفية لأول مرة رابعا وتلتقيان بتأليه البشر وعبادتهم وتقديسهم في حياتهم وبعد موتهم فالمتصوفة يؤلهون سدنة الصوفية وكهنتها الشيوخ بشكل عام وشيخ طريقتهم بكل شكل خاص والشيوعية يؤلهون الشيوعية وكهانها ماركس ولينين وماو تسي تونغ وغيرهم بشكل عام وحاكم بلدهم بشكل خاص. Regarde aussi, on a Allah Azza wa Jalla, ces points sur lesquels nous attire notre attention celui qui a écrit le livre dévoiler le sophisme, le dévoilement du sophisme pour la première fois. Dit le quatrième point dans la rencontre, le quatrième point en commun entre eux, le communisme et le sophisme, c'est que ils ont un point en commun, c'est qu'ils font des êtres humains des divinités, ils les adorent, ils les vénèrent dans leur vie et après leur mort. Soufia font de leurs chouyours des divinités. Ils ont peur que les chouyours, ouais, quand ils devront s'enchir, il a peur d'avoir une mauvaise pensée parce qu'il se dit que Cheikh, il est dans son cœur, ce qu'ils appellent le kashf. Il ne fait rien. Il est éduqué à être devant son Cheikh comme le mort, devant son laveur. Il n'accepte pas une critique sur son shir. Il ne reconnaît pas les erreurs de son shir, même s'ils sont du domaine des croyances qui ont amené des erreurs qui amènent à la mécréance. Hein? Donc, Sophia élève et vénère les chouyours. Hein? Regarde comment ils font les adeptes d'Islam Yassin. Regarde ce que font Tbliriyin de leur shir Younes. Et des autres, hein, leurs grands qui sont à Paris. Donc tous les sophis vénèrent en général leur shir. Hein, vénèrent tous les shiurs de leur tariqa. Et en général, et en particulier, leur shir principal. Les communistes, ils vénèrent aussi, prennent comme divinité les communistes, les grandes têtes du communisme, Marx, Lénine, ils les vénèrent. Marx, Lénine, Mao Tse-tung et d'autres, en général. Et ils vénèrent, et les communistes vénèrent le gouverneur de leur pays en particulier. Rappelez-vous, si vous ne vous rappelez pas, vous êtes trop jeune, lisez l'histoire. Il n'y a pas très longtemps que le monde communiste est tombé. Et lisez l'histoire pour savoir. Kadalika khamisan. أن الصوفية والشيوعية تلتقيان في سجن الفرد المنتمي إليها في زنزانة فكرية لا تسمحان له بالتطلع خارجها. Aussi le cinquième point de rencontre entre eux, c'est que ce soit le communisme ou que ce soit le sophisme, ils ont un point en commun, c'est qu'ils emprisonnent leur individu et leur adepte dans une cellule de pensée. Ils ne lui permettent pas d'aller voir ailleurs. Il doit se cantonner à l'idéologie du groupe et à la tariqa et à l'idéologie de la secte, tout simplement. Il doit se renfermer de ce cocon-là. وهذا الأمر موجود عند الحزبيين جميعا يدخلون الفرد المنتمي إليهم في زنزانة فكرية فلا يسمح له أن ينظر إلى غيرها وهذا عند جميع الأحزاب من صوفية وشيوعية واشتراكية وياسينية وتبليغية وإخوانية وتحريرية وطلائعية ما دمت في الحزب فلا يسمح لك أن تنظر في كتب السلفيين ولا أن تسمع لأشرطتهم وإذا علموا شيئا من ذلك طردوك كما بلغ أحد المشايخ أن أحد الإخوة في السعودية قام بتوزيع هذا الكتاب الذي ندرسه الآن في دورة علمية فلما علم به الحزبيون القائمون على تلك الدورة طردوه من السكن لأنه قام بتوزيع هذا الكتاب على الطلبة الوافدين يريد النصيحة لهم ولكن الحزبيين عندهم الزنزانة هذه وهذا في كل مكان وفي كل زمان وهذا في كل مكان وفي كل زمان فهنا الله عز وجل il fait d'enfermer l'individu et l'adepte de la secte dans une prison de pensée et qu'il ne sort pas de l'idéologie du groupe, ceci on le rencontre chez tous les sectaires et tous les partis et tous les groupes, tous, ils enferment leurs adeptes dans leur idéologie. Ils ne leur permettent pas d'aller voir ailleurs, ni d'écouter quelqu'un d'autre, que ce soit les soufis, les communistes, les socialistes, les yassinites, les tablighites, les ikhwani, les tahriri, les talaï'i, les ash'ari, les ahbash et autres. Vas-y, la liste est longue. Tant que tu es adepte de ce parti, tu n'as pas le droit d'aller voir ailleurs. Tu n'as pas le droit de jeter, d'ouvrir un livre des salafis, des machaïrs salafiens, ni d'écouter leurs cassettes, ni de l'écouter leurs cours. Et s'ils le savent, ils vont te faire des avertissements et après ils vont te jeter si tu n'acceptes pas le conseil et tu ne reviens pas à ta raison, comme ils disent, Oma. Certains savons, on su par certains de nos frères en Arabie Saoudite, il est arrivé une histoire lors d'une daura, et souvent dans les daurats qui se passent, que ce soit à Riyad ou partout, il y a une résidence qui est réservée pour ceux qui viennent d'ailleurs et qui viennent de loin. Donc ils dorment là, ils sont nourris, etc. pendant le séminaire. Et un de nos frères, le livre que nous étudions maintenant, l'a distribué aux gens. Et quand les Hizbis, qui sont les responsables de la résidence, et ont su qu'il a distribué ce livre, ben ils l'ont jeté de la résidence. Pourquoi lui il a agi ainsi? Pourquoi il a distribué ce livre, le Mawlid al-Adb Zulal? Parce qu'il voulait conseiller tous ceux qui sont arrivés, leur donner le conseil pour ne pas tomber dans le filet des Hizbis, etc. Ben, au moins, en contrepartie, ils l'ont chassé de la daura et de la résidence. وما فعل بكتاب مدارك النظر وكتب الشيخ ربيع في بروكسل ليس عنا ببعيد وما فعل بأشرطة الشيخ ربيع في مدينة مراكش ليس عنا ببعيد لأنهم لا يريدون أن يطلع الشباب على شيء من المنهج السلفي وهذه الزنزانة الفكرية موجودة مع الأسف في كل مكان دونك فهنا الله عز وجل سكيسي في دو ليفر يا أببخي واحد سيزون اون اغيار سكيسي في دو ليفر الشيخ عبد الملك رمضاني مدارك المضار أبروكسل ني با لوان دو شينو ها Ils l'ont caché. Ils allaient même le brûler. Alors, un de nos jeunes frères a acheté tout. Il les a achetés à cette clique de Daoud Vinvergen et toutes ces douades de Belgique. Hein? Et la même chose s'est passée pour les livres d'Yer Cheikh Rabi à Bruxelles. Ils les ont cachés parce qu'ils ne veulent pas que la jeunesse jette un coup d'œil sur le mouvement salafi, sur la voie salafi. Ils veulent les cantonner dans une prison et dans une cellule de penser. Et cette façon de faire, il existe un petit peu partout. Pourquoi les douades de Belgique ont agi ainsi il y a quelques années en arrière? Parce que justement, dans le livre d'Yel Cheikh Abdel Malik Ramadani et dans le livre d'Yel Cheikh Rabir, il y avait la critique de Adnan Al-Aour. Hein? Pour que la situation de Adnan Al-Aour ne soit pas éclaircée dans le milieu et au milieu des jeunes. Hein? Et moi, devant moi, Adnan Araour, avant que sa situation ne soit claire, dans le jardin des jeunes, j'étais là et je lui ai posé la question. Il n'y avait que le bureau entre moi et lui. Derrière moi, il y avait parmi les du'ats de Bruxelles, Abdelkader Choua, Daoud, Adil, Aznagi, Hada que vous avez sur Abu Shaima. Hein? Ils étaient tous là derrière. Et j'ai posé, et ça remonte il y a à peu près plus de 10 ans maintenant. J'ai posé cette question au jardin des jeunes à Bruxelles. Je lui ai posé cette question à Cheikh Adnan Al-Aour. Je lui ai dit, est-ce que je peux sortir avec Jamaat Tabligh? Il m'a dit qu'on empêche d'en sortir, de sortir avec elle. Que ce soit les Daoud vers Vengan, ou là ce soit Abdelkader Choua, ou là Aznagi, ou là Adil, et tous ceux qui étaient là, personne n'a bougé. Tout le monde était là, tout le monde a accepté la réponse d'Irshir. Hein? Vous voyez pourquoi ils ne veulent pas? Hein? Ils empêchent des livres comme celui de Madarik Nadar. Et à cette époque, Mustafa Qasted, qui est la tête d'affiche maintenant, n'est pas encore revenu de Médine. N'a pas encore terminé ses études à Médine. Quand cette histoire s'est passée avec moi, et on était 3, la salle était pleine. C'était une petite salle, il y avait le jardin des jeunes, et elle était pleine. Et il y avait toutes ces du'ats de Belgique, ils étaient présents au moment où il m'a répondu. Parce que il a répondu comme pour répondre à tout le monde, avec le micro et tout, et tout le monde était là, et s'est enregistré. Enfin, pourquoi? Hein? Pourquoi maintenant ils arrêtent, ils ne veulent pas que les livres de Madarik Nadar et les livres de Cheikh Rabi' soient propagés à Bruxelles? Tout simplement, pourquoi? Parce que justement, il y a la critique de Adnan Al-Aour, il y a plein de choses qui vont divulguer leur situation. Parce que maintenant, tous les années, Adnan Al-Aour, il a son séminaire là-bas. Plusieurs fois dans l'année, il arrive là-bas. Et il est accueilli dans le grand centre où se trouve actuellement, dans le grand centre de islamique où se trouvent tous Adil, Haddash, Mustafa Qasted, Daoud, tout cela se retrouve là-bas. Il est accueilli dans la mosquée d'Yel Touhid, où il y a Al-Kharraz aussi, et dans laquelle vient donner cours Abdelkader Choua et autres. Donc si les jeunes se penchent sur les livres d'Yel Cheikh Rabi' Cheikh Abdel Malik Ramadani, ils vont voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont se poser des questions. Si ces hommes de science ont parlé sur Adnan Al-Aour et sur son mouvement, pourquoi il est accueilli au centre islamique de Bruxelles? Il est accueilli à la mosquée d'Yel Touhid, il est accueilli là et là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? Et au mois de février dernier, quand il y a eu l'apparition de Aïd Al-Qarni en Europe la première fois, bah où il a été? Il a été dans le centre islamique où donne cours Adil, ou donne cours Mustafa Qasted et tout ça. Qu'il a accueilli encore à Paris. Il a été chez Jamaat Tabligh. Hein? Il a été aussi dans une mosquée à Noisy-le-Sec. Ou la Noisy-le-Grand plutôt. Hein? Bah s'il a été quelque part là où il a été, ça veut dire qu'on est sur les mêmes voies. Que les personnes qui l'ont accueilli dans leur mosquée sont sur les mêmes voies, ils acceptent les idées d'Al Aïd Al-Qarni et autres. Donc, frère en Allah Azza wa Jal, cette cellule d'emprisonnement de jeunes dont les pensées et dont les principes fondamentaux du groupe existent en tout lieu, en tout temps. Il existe encore de nos jours. Fa hadihi zanzanat al-fikriya mawjoudat ma'a al-asaf fi kulli makan wa fi kulli zaman. Yamna'oun al-shabab matalan fi Bruxelles min al-dhahab ila markaz al-Furqan. وفي ليل إلى الذهاب إلى مصلى كامي في السكن الجامعي في فيلنف داسك وفي ميتز أن يذهبوا إلى مركز الاعتصام ببورني وا فهم هكذا في كل مكان يمنعون أتباعهم حتى المرور من الشوارع الموجود فيها المسجد السلفي أو المركز السلفي فهم الله عز وجل ها cette cellule dans laquelle on enferme les jeunes dont les principes fondamentaux du groupe, etc., existent malheureusement. Il a existé dans le temps, il existe encore de nos jours, en tout lieu, en tout temps. Ils interdisent à leurs jeunes, par exemple à Bruxelles, et un petit peu partout, par exemple à Bruxelles, ils leur interdisent d'aller à Merkez al-Furqan. Il y a certains jeunes qui ont dit, on a un acte avec le centre islamique, avec le du'at du centre islamique, pour déchirer toutes les affiches qui se font du centre al-Furqan. Et à Lille, ils leur interdisent d'aller à la salle de prière de Camus, qui est dans une résidence universitaire à Villeneuve-d'Ascq. Parce que dans cette salle, qui donne cours depuis 9 ans, il n'y a que des frères salafis qui donnent cours. Hein? Et à Metz, ils leur interdisent d'aller au centre l'Atissam, à Bourgny. Ils vasent la liste longue. C'est comme ça qu'ils agissent. Même, ils interdisent à leurs disciples de passer dans la rue où il y a un centre salafi, ou une mosquée salafi. كذلك يمنعونهم من ان يسمعوا لفلان او يذهبوا اليه او يتصلوا به فهذه الزنزانة الفكريه يعيشها هؤلاء المساكين والتبليغيون يقولون لاتباعهم هؤلاء اصحاب فكر حذاري ان تنحرف ان تتبعهم وتسمع لافكارهم ستنحرف وانا سمعت هذا من سعودي اتى مع جماعه مرت على هذا 13 سنة أتى مع جماعة ووجدني بشريط لأحد العلماء فقال لي هذه الأفكار ستضيعك أعوذ بالله هذه وهذا من جدة وكان فصيح اللسان بالعربية فرعون الله عز وجل cette cellule dans laquelle les sectes ferment leur groupe existe. Et les disciples de ces groupes et les adeptes de ces groupes enferment ces pauvres dans ça. Même les tbliri le font. Les tbliri pour parler des Ikhwan et des autres, ils disent le fikr l'akhr, l'autre pensée. Ils appellent ça l'autre pensée. Le fikr l'akhr. Et quand ils voient que tu prends des cassettes, que ça, attention, ce fikr va te perdre. Tu vas dévier. Et j'ai entendu il y a 13 ans de ça, j'ai entendu ça d'un Saoudien. Ils étaient quatre qui sont arrivés d'Arabie Saoudite, du Jeddah. Ils sont des anciens Qudama qui n'ont pas laissé, qui ont fait le Globetrotters. Et un parmi eux, il avait une éloquence dans la langue arabe. Masha'Allah. Mais malheureusement, il est dans ce groupe. Et il m'a dit, quand il a vu certaines cassettes de certains hommes de science avec moi, il m'a dit, ces pensées vont te perdre. Il vaut mieux que tu sors, fils Abilillah. أعوذ بالله أسو بوالا فخيرنا الله عز وجل ورجوعا إلى المشابهات بين التبليغ والصوفية بين التبليغ والشيوعية المشابهة السادسة أن الصوفية والشيوعية تلتقيان وتتشابهان في الغاية فالصوفية تعد مريدها أن يكون هو الله المتصرف في الكون والشيوعية تعد مريدها أن يكون سيد مصيره. Le sixième point de rencontre commun et la sixième ressemblance entre le communisme et le sophisme, c'est que le sophisme prépare son disciple à être Allah qui gère le monde. Et le communisme prépare son disciple à être le souverain de son destin. Puisque dans Wahdat al-Wujud, le soufi il dit Allah et l'être humain, c'est la même chose. Donc, et wa ash-shabah as-sabi' tad'i as-sufiyya annaha at-tariq ila as-sa'adat al-abadiyya allati la tazid 'an kawniha talbisan wa khid'atan wa ash-shiyu'iyya tad'i annaha tu'addi ila na'im al-insan walladhi la yazid 'an kawnihi talbisan wa khid'atan. Le septième point de ressemblance entre le communisme et le sophisme, c'est que les sophistes disent que ce sont eux la voie qui va amener au bonheur éternel. Mais ceci, c'est un déguisement, c'est une trahison. Le communisme prétend aussi que lui, il va amener l'être humain à son plaisir. Il amène l'être humain à son plaisir et à son épanouissement. Et ceci, c'est aussi un déguisement de la situation et une trahison de l'être humain. Taminan, kiltahuma, tanboudan il-akhira. Wa qad marra ma'ana qawluhum, wa khla'na il-alayka, ad-dunya wal-akhira. Ila an qal, tashabuhun bayna ad-dalalatayn, yuthiru l'intibah, wa talaqin yab'athu ala at-tasa'ul. Aussi, huitième point, dans ce que nous cite Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, du livre, Kashf. Le dévoilement du soufi pour la première fois, il dit les deux donne le dos à l'au-delà. Et dans le livre de Kashf, le dévoilement du soufisme, il dit qu'il a passé avec une parole qui dit « Et enlève tes deux chaussures, c'est-à-dire ce bas-monde et le delà. Enlève tes deux chaussures, c'est-à-dire ce bas-monde et le delà. » Jusqu'à ce que l'écrivain du dévoilement a dit « Hein ?» Il y a une énorme ressemblance et des points en commun entre ces grands égarements. Il dit ces points en commun attirent l'attention et poussent à poser des questions. Et poussent à poser des questions. Fakh al-Islam, sami'ta ma dakarahu al-Sheikh rahimahullah. Yadhar min hadha, yaqul al-Sheikh Abu Malik al-Juhani, annahu yadhar min hadha anna ash-Shu'iyya fakratun. ولدتها الصوفية والله أعلم والصوفية إخوة الإسلام أفكار أخذت من حضارات أجنبية التصوف أخذ من الحضارة الهندية القديمة الوثنية وكذلك التجهم والاعتزال وعلم الكلام أخذ من الحضارة اليونانية فهاتان الحضارتان أدخلتا على المسلمين فسادا وبلاء عظيما في العلم والعمل إيه إسي لكمونتير الشيخ أبو مالك الجهاني دي. Il apparaît que le communisme, c'est une idée qui est née du sophisme. Et il dit, seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Il dit, les sophies, ce sont des pensées et des idées qui ont été prises des civilisations étrangères à l'islam. Le sophisme a été pris de l'hindouisme, hein, ancien, qui est le paganisme, qui est de la mécréance. Tajahoum. Et l'i'tizal et la science de la dissertation et de la spéculation ont été pris de la civilisation grecque. Et ces deux grandes civilisations ont pénétré chez les musulmans un grand mal, que ce soit dans la science, que ce soit dans la mise en œuvre, dans les actes. Que ce soit dans la science ou que ce soit dans les actes. Yaqulu Abu Malik, Hadarat al-Yunan, كان فسادها في العلم والعقيدة وحضارة الهند كان فسادها في العمل ولذلك يذكرون عن الحلاج أنه سافر إلى الهند ودرس علوما هناك وتعلم السحر وأخذ أفكارهم فهذه أشياء مرتبطة بعضها ببعض. الشيخ أبو مالك de nous dire la civilisation grecque son mal était dans la science et dans les croyances. Quant à la civilisation hindoue, son mal était dans l'œuvre, dans la mise en application. C'est pour ça qu'on rapporte de l'Hallaj. On dit de l'Hallaj qu'il a voyagé vers l'Inde et qu'il a étudié beaucoup de sciences là-bas. Et il a appris la sorcellerie là-bas. Et il a appris les pensées des hindous et d'autres choses. Et on voit que tout ceci est lié. Que tout ce mal est lié. « Fassofiyatu fi sharq akhadu al-afkar wa nihal min al-hind » الأوروبيون أخذوا هذه الأفكار مطورة التطوير الذي كان عند هؤلاء في بلاد الإسلام فأخرجوا هذه الفكرة الشيوعية. Il dit, Cheikh Abu Malik, le sophisme en Orient a pris ses idées des différentes sectes en Inde. Les Européens ont pris ses pensées développées quand ils ont été développés dans le pays de l'Islam. Et à partir de ce développement qui a été fait de ces idées hindoues dans les pays de l'islam, ils ont fait naître l'idée du communisme. Wa yaqulu hafidhahullah, Marx kana mutaqqafan wa laysa biba'idin alayhi an yakuna tala'a ala kutub ibn Arabi wal Hallaj wa ala qasa'id ibn al-Farid wa khassatan wa anna at-tasawuf kana qawiyan fi tilka al-fatra fi al-qarn as-sadis wa as-sabi' al-hijri fi al-Andalus. ويكفيك أن ابن عربي هذا جياني أي من الأندلس وابن الفارض أندلسي لأن التصوف كان قويا بالأندلس وهذه من أسباب ضياع الأندلس التصوف والبدع مع الأسف الشديد وقل من يشير إلى من هؤلاء المتباكين على الأندلس من إخوانية وتبليغية على أن أسباب ضياع الأندلس هو التصوف والبدع والخرافات والفلسفة التي ظهرت فيها. Donc, et Abu Malik, حفظه الله تعالى دونير, que Marx, c'était un intellectuel. Et ce n'est pas loin qu'il ait étudié les livres d'Ibn Arabi et d'Al-Hallaj, qui ont été traduits. Et c'est pas loin qu'il ait étudié les poèmes de Blul Farid. Surtout que le soufisme était très fort à cette époque. Et au 7e siècle de l'Hégire, en Andalousie, le soufisme était très fort. Et ça suffit qu'Ibn Arabi Tijiani, donc il était de l'Andalus. Blul Farid était de l'Andalus. Car Tassawouf était très fort en Andalousie. Et c'est ce qui a fait, c'est l'une des causes qui a fait perdre l'Andalousie. C'est le soufisme et les innovations. Mais malheureusement, tous ceux qui pleurent sur l'Andalousie, que ce soit l'Ikhwan ou Tbilir, qui disent « Regardez les mosquées sont devenues des musées, regardez les mosquées se sont devenues des cafés », ils n'attirent pas l'attention sur le fait que ce qui a fait perdre l'Andalousie, c'est le soufisme, c'est les innovations, c'est la philosophie, c'est les histoires à dormir debout qui ont apparu en Andalousie. C'est ce qui a fait perdre l'Andalousie, c'est d'avoir dévié de la voie des pisères, d'Allah alayhim. Mais ceci, ni Tbilir, ni l'Ikhwan ne le disent. Mais pour attirer la sympathie des gens et pour prendre les gens par les sentiments, ils pleurent sur l'Andalousie. Dites pourquoi. Dites pourquoi l'Andalousie est partie. Dites pourquoi l'Andalousie n'est plus musulmane. Qui sait quoi la cause réelle ? ويقول كذلك حفظه الله من المحتمل أن تكون كتب هؤلاء ابن عربي وابن الفارد الذين عاشوا في الأندلس دخلت إلى أوروبا وعكف عليها الأوروبيون وأخرجوا هذه الشيوعية لأن الاتصال كان قريبا جدا ووثيقا. Il dit, حفظه الله تعالى أبو مالك, c'est pas étonnant que les livres d'Ibn Arabi qui ont été traduits et d'Ibn al-Farid qui ont vécu en Andalousie, leurs livres soient rentrés en Europe et que les Européens se sont penchés sur ces livres et ils ont sorti l'idée du communisme parce que le temps était proche et les lieux étaient proches aussi. Il y avait une grande liaison. Il faut qu'on fasse attention. وأخيرا يقول الشيخ النجمي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته فهذه هي الصوفية وهذه عقيدتها إيمان بالمادة وكفر بالله إيمان بالكشف الشيطاني للشيوخ وكفر بالقرآن تصديق للخرافة وجحود للتوحيد انغماس في البدع ورفض للسنن إيمان بالباطل وكفر بالحق تطاول على عظمة الله وألوهيته وادعاء لها أمن من مكر الله وتجرؤ على محارم الله وتعد لحدوده سبحانه وتعالى وطغيان وتجاوز للحدود البشرية بناء على التخيلات الشيطانية التي حوت كل شر وخلت من كل خير وبالجملة فما كيد الإسلام بشيء أعظم من الصوفية فالله المستعان. Et enfin, dit Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, wa askanahu fasiha jannati, ça c'est le soufisme. Et ça, ce sont les croyances du soufisme. Ils croient, les soufis croient en la matière, et mais croient en Allah, azza wa jal, et ils croient comme quoi le dévoilement que les chouyours voient ce qu'il y a dans les cœurs, le dévoilement d'il shayatin hada, et ils mécroient en le Coran, et ils prennent comme véridique les histoires à dormir debout, et ils mettent derrière leur dos le monothéisme, ils plongent dans les innovations, ils refusent la sunna, ils croient en le faux, ils mécroient en la vérité, et il dit, et ils ont de l'audace, sur la place d'Allah Azza wa Jal, ils prétendent des choses, ils prétendent faire des choses qui sont du domaine d'Allah Azza wa Jal, et ils croient être en sécurité, du châtiment d'Allah Azza wa Jal, et ça c'est avoir de l'audace, et ils osent transgresser ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Ils dépassent leurs limites. Ils dépassent les limites humaines. Et tout ceci en se basant sur des imaginations sataniques qui contiennent tout le mal et qui évitent de tout bien. Et il dit, rahimahullah, et en général, le grand mal qui a été fait à l'islam est énorme de la part des soufis. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى أي الشيخ النجمي ظروف نشأتها أي ظروف نشأة جماعة التبليغ يرى أبو الحسن الندوي في كتاب كتبه للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أن الشيخ محمد إلياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة بعد أن عايته السبل التقليدية في إصلاح أهل منطقته. فهنا الله عز وجل maintenant nous passons à l'autre chapitre qui est dans le titre et les conditions comment cette jama'a est née, comment la da'wa dial tabligh, la situation et qu'est-ce qui a fait naître la da'wa de jama'a tabligh. Abou al-Hassan Dwiki Tanandou, dans un livre qu'il a écrit à Cheikh Abdelaziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala quand il était en vie, il a dit que Cheikh Mohamed Elias, le fondateur de jama'a tabligh, est allé vers cette voie dial da'wa après qu'il était fatigué que les moyens traditionnels pour réformer sa région ne servait à rien. واسمع الآن لكلام أبو مالك عن هذا أبو الحسن الندوي. أبو الحسن الندوي لا يؤخذ بقوله لأنه صوفي متستر يقابل السنيين بوجه وقابل الهنود الصوفيين بوجه. له كتابات بالعربية فيها ابن تيمية وله كتابات بالأردية فيها التصوف ويذكر فيها ابن عربي وغيره، فمثل هذا لا يؤخذ بقوله ولا بتزكيته. ولقد كتب أحد الهنود السلفيين كتابا في هذا الرجل سماه كتاب أبي الحسن الندوي الوجه الآخر وبين فيه صوفية هذا الرجل. maintenant frère en Allah عز وجل même les tazkiyah de quelqu'un, il faut savoir de qui les prendre. Abu al-Hasan Ndoui, comme il dit à Abu Malik, on ne peut pas prendre cette tazkiyah. Parce que c'est un sauvé qui se cache. Quand il est en face des sunnis, comme Ibn Baz et autres, ben il a un visage. Et quand il est en face des zènes de Sophie, il a un autre visage. Il a des livres en arabe dans lesquels il cite Ibn Taymiyyah. Il a des livres en ourdou dans lesquels il cite Ibn Arabi. Il parle du sophisme. Et autres. Il cite Ibn Arabi et autres. Donc quelqu'un comme celui-là, dit Abu Malik, on ne peut pas prendre de lui, ni prendre ses éloges sur ce groupe. Et un dizaine du Salafi a écrit un livre sur cet homme, et il l'a appelé Abu al-Hasan Nadwi, l'autre visage, dans lequel il a montré le sophisme de cet homme. Yaqulu Sheikh al-Najmi, hafidhahullah ta'ala, mu'alliqan ala kalam Abu al-Hasan Nadwi, أي إصلاح يرجى ممن يؤمن بوحدة الوجود إن كان المقصود هو الإصلاح الصحيح؟ أما الإصلاح في حسبانهم فهو إدخال العامة في صوفيتهم ووتنيتهم، إيمان بالقبور وعكوف عليها وتأليه لأصحابها. قال أي الحسين سعد الحسين في كتابه الدعوة إلى الله، وهذا كان معهم 8 سنوات وهو الملحق الديني الآن في الأردن، ملحق الدين السعودي في سفارة الأردن بعد أن ترك جماعة التبليغ وكل الجماعات، وبين حالهم في كتاب سماه الدعوة إلى الله. قال أي الحسين سعد الحسين في الدعوة إلى الله في كتابه الدعوة إلى الله صفحة 63، وينقل الشيخ محمد أسلم عن ملفوظات إلياس لمحمد منظور النعماني قول الشيخ محمد إلياس نفسه إنه انكشف على هذه الطريقة بأن ألقي في روعه في المنام، تفسير جيد لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأخ الإسلام، عندما تبحث عن تفسير هذه الآية تجد أن هذا الآية فيها مدح لله سبحانه وتعالى، مدح الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة لأنها خير أمة خرجت للناس. لماذا؟ لأنها كملت إيمانها وتكمل إيمان الآخرين بأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. ما لا يفعله التبليغيون، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وإلياس يقول بأنه ألقي في روعه تفسير جيد لقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقتضي، يقول أن هذا تفسيره يقتضي الخروج للدعوة إلى الله، فإنها لا تتحقق بالإقامة في مكان واحد، بدليل قوله تعالى أخرجت وأن الإيمان يزداد بهذا الخروج بدليل قوله تؤمنون بالله بعد قوله أخرجت للناس وبعد قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأن معنى أمة العرب ومعنى الناس الأعاجم. أما العرب فقد قيل في حقهم لست عليهم بمسيطر، أي ليس عليك عليهم سلطان ولا تملك هداية قلوبهم، وقال وما أنت عليهم بوكيل. كنت فخرون الله عز وجل. الشيخ النجمي يدير رحمه الله تعالى كل غيفورم وكل بيان peut venir de quelqu'un qui croit en l'unicité de l'existence. S'il veut la réforme authentique et avenante, la réforme authentique et avenante ne peut pas venir de quelqu'un qui croit en l'unicité de l'existence. Quant à une réforme selon la voie qu'ils ont choisie, qui est le fait de rentrer le commun des musulmans dans leur sophisme et dans leur paganisme, et dans le fait de croire en les tombes, et dans le fait de se recueillir sur les tombes et prendre comme des vins ceux qui sont enterrés dans les tombes. Saad al-Hussein dit dans ce livre, et Saad al-Hussein, c'est un expert dans Jama'at Tabligh et dans Jama'at Ikhwan. Il était très longtemps avec Jama'at Tabligh. Il a même des lettres qu'il s'est songées avec In'am al-Hassan, dans laquelle il montre comme quoi In'am al-Hassan, il prenait le bay'a et les gens sur les gens. Et dans son livre, Da'wa ilallah, après avoir connu les erreurs de Jama'at Tabligh, il est revenu. Maintenant, il est le représentant religieux de l'Arabie Saoudite dans l'ambassade jordanienne, dans l'ambassade saoudienne en Jordanie. Et il nous rapporte à la page 63 de son livre ce qu'il a copié directement de la Risala de Mohamed Aslam. Malfoudat, les expressions de Ilyas. Les expressions de Ilyas, ce sont les expressions qu'a dit Mohamed Ilyas. Malfoudat Ilyas, et ces Malfoudat, ces expressions de Ilyas ont été recueillies par Mohamed Mandour Nu'mani. Et dans ces expressions, Mohamed Ilyas dit lui-même, il m'a été dévoilé une voix. Il a été jeté dans mon esprit, dans le sommeil, une bonne explication de la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit, vous êtes la meilleure des communautés qui a existé pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous blâmez le mal et vous croyez en Allah. Sache frère en Allah Azza wa Jal que ce verset, c'est une éloge d'Allah Azza wa Jal pour la communauté de Mohammed alayhi salam qui a complété sa foi et qui complète les autres en ordonnant le bien et en blâmant le mal. Ce que ne fait pas Jama'at Tabligh. Jama'at Tabligh n'ordonne pas le bien et ne blâme pas le mal. Et donc il dit de ce verset, donc la nouvelle interprétation, la meilleure interprétation qu'il a, Mohamed Ilyas, il dit ce verset implique le fait de sortir pour faire da'wa. Car la da'wa ne se fait pas, ne s'accomplit pas en restant dans sa résidence, dans un son endroit. Il a preuve, il dit, Ukhrijat, il a été sorti. Il dit la foi, regarde la déformation du sens. Il dit, hein, Ukhrijat, il a été sorti. Hein, c'est parce que, Ukhrijat, directement il a pris le khuruj. Et il dit la foi augmente avec le fait de sortir. Il dit la preuve, parce qu'il dit après Ukhrijat linnas, il a été sorti aux gens, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et il a dit en ce qui concerne Umma, dans le verset, ce sont les Arabes. Et en ce qui concerne la signification Nas, ce sont les non-Arabes. Il dit quant aux Arabes, il a été dit à leur situation, tu n'as pas de pouvoir sur eux. C'est-à-dire tu ne peux pas ouvrir leur cœur. Tu n'as pas de pouvoir sur eux. Et regardez cette déformation du sens du Coran. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiyah. فتأمل معي كذلك كما يقول الشيخ أبو مالك في المنام ها. تفسير جيد في المنام، فهؤلاء دعوتهم مبنية على المنام، ولذلك فالقوم غارقون في المنامات كما يغرق فيها الياسينيون. وعندما التقيت لأول مرة بأمير وقصاص جماعة التبليغ يونس من تونس في مركزه في باريس، قال لي هل رأيت مناما هذه الأيام؟ أفسره لك. أول ما سألني عن المنام. Médite avec moi, frère en Allah, Azza wa Jal, qu'il a dit que il lui est arrivé une explication dans le sommeil, dans le rêve. Il a vu cette explication dans le rêve. Donc, leur da'wa, il est basé, son fondement, c'est un rêve. C'est pour ça que Tiblighioun, il baigne dans les rêves. Il y a Sinit aussi, qui sont soufis aussi, baignent dans le rêve. Ils n'arrêtent pas de rêver leur chir et de rêver des choses. Et quand j'ai rencontré pour la première fois, il y a plus de 13 ans maintenant, le conteur d'histoire du Jama'at Tiblir et son émir à Paris, Younes Ben Tounes, dans son centre, il m'a dit, est-ce que tu as fait un rêve ces jours-ci? Je vais te l'interpréter. La première chose qu'il m'a demandé, c'est j'ai fait un rêve. Hein? وهذا تعليق الشيخ النجمي على هذا المقطع يقول حفظه الله تعالى أن القرآن لا يفسر بالمنامات والكشوف الصوفية التي هي من الشيطان فهنا الله عز وجل voici maintenant l'interprétation de Cheikh Najmi sur ce passage que je viens de lire. Il dit le Coran ne s'explique pas avec les rêves. Le Coran ne s'explique pas avec la lecture de ce qu'il y a dans les cœurs, la lecture soi-disant que Shuyukh lisent dans les cœurs de leurs disciples. Cette lecture et ce dévoilement de ce qu'il y a dans les cœurs que croient les soufis, ça, c'est un truc qui leur vient minash shaitan. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Salam al-afia. On ne peut pas expliquer le Coran avec les rêves et avec ce genre d'histoire à dormir debout. ثانيا يقول الشيخ قوله إن الدعوة لا تتحقق إلا بالخروج وأنها لا تتحقق إلا بالإقامة في مكان واحد هذا كلام باطل فقد تحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم في مكة وتحققت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو مقيم بالدرعية ومن فتح مدرسة علم وعلم الناس تحققت الدعوة على يديه إذا أخلص ونصح وهو مقيم فالدعوة تنتشر وصاحبها مقيم في مكان معين يا أخي الإسلام. Deuxième chose, deuxième commentaire de Cheikh Najmi, رحمه الله تعالى. Il dit, quand il dit que da'wa ne s'accomplit qu'avec le fait de sortir, il dit ceci n'est pas vrai. Et que même en étant dans sa résidence, la da'wa marche. La da'wa pour le prophète, alayhi salam, tant il était à Médine, il était à Mecca, sa da'wa a marché. Il était à Médine, il n'en est pas sorti, sa da'wa a marché. Et aussi, Mohamed Ibn Abdelhab était tout simplement résident à Dar'iya et sa da'wa a marché. Et tout homme de science qui ouvre une école et qui enseigne aux gens, sa da'wa s'accomplit quand il a la sincérité pour Allah. Et il est en résidence et sa da'wa se propage alors qu'il est dans sa résidence, dans un lieu bien précis. Wa antum ikhwat al-islam, yatabayyana lakum hadha al-amr wa ta'rifunahu jayidan hatta ta'lamu an ha'ula أصولهم فاسدة ودعوتهم مبنية على الباطل فأنتم ترون في العصر الحاضر دعوة العلماء بن باز بن عتيمين الألباني الشيخ مقبل وغيرهم انتشرت في العالم وهم مقيمين فانظر مثلا الشيخ بن باز انتشرت دعوته في العالم وهو مقيم في الرياض ودعوة الشيخ الألباني انتشرت في العالم وهو مقيم بالشام بعمان والشيخ مقبل كان مقيما في قرية نائية وعلمه وصوته وكلامه يدوي في أوروبا وأمريكا ودعوة هؤلاء دعوة صحيحة دعوة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف هذه الأمة فهذا الكلام الذي يقولون فليس بصحيح أن الدعوة لا تتحقق إلا بالخروج فالواقع يكذب هذا الكلام ونبينا صلى الله عليه وسلم كان مقيما بالمدينة ومع ذلك وصلت دعوته إلى الآفاق. Regardez, frères en Allah, Azzawajal, en jetant un coup d'œil sur votre réalité, vous allez voir que ce que prétendent les fondateurs d'Yel Tiblir est faux. Dans notre monde contemporain, est-ce que les hommes de science comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Utaymiyyin et Cheikh Muqbil n'ont pas fait de dawa? Ils étaient où? Chacun était à sa place. Cheikh Ibn Baz était à Riyad et sa dawa a traversé le monde, a traversé les essuyants. Tu imagines, une fois, deux étudiants de sciences se promenaient dans l'une des ruelles de Johannesburg, en Afrique du Sud, et une femme les a vus avec leur costume, et avec leur schéma, il l'a reconnu. Il a dit, vous venez d'où? Ils lui ont dit d'Arabie Saoudite. La vieille dame leur a dit, si vous voyez Cheikh Ibn Baz, vous lui passez mon salam. Pourquoi? À ton avis, pourquoi? Dawat Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il s'est propagé à travers le monde entier. Il n'y a pas un membre dans le monde entier maintenant, à travers le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Maroc, partout où tu veux, où le khatib ne dit pas « le hadith a été authentifié par Cheikh Nasser, rahimahullah ». Alors que Cheikh Nasser n'a pas quitté Cham. Cheikh Mokbel, il réside dans un petit village lointain, à Dammaj. Sa science, sa voix, ses paroles, hein, résonnaient en Europe et aux États-Unis. Ses élèves sont propagés maintenant à travers le monde. Et la da'wa de ces hommes-là, comme Cheikh Al-Utaymin, Cheikh Mokbel, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Abdel Mohsin Al-Abadi et d'autres, c'est une da'wa authentique. C'est une da'wa qui appelle vers le livre d'Allah Azza wa Jal et vers l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam, avec la compréhension du puiseur d'Allah alayhi. Donc, et ça c'est un bienfait min Allah Azza wa Jal, il comble avec qui il veut. Donc ce n'est pas vrai que la da'wa ne s'accomplit avec le fait de faire le khuruj de la jama'at tabligh. Donc la réalité et le quotidien démontrent tout ça. Notre prophète alayhi salatu wassalam était résident à la Mecque, sa da'wa s'est propagée. Notre prophète alayhi salatu wassalam a résidé à Médine. Sa da'wa a traversé, hein, est parti au très lointain dans les horizons. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit da'wa. Et c'est lui l'homme de cette da'wa, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Najmi, بعد أن ضرب لهم مثالا بالرسول صلى الله عليه وسلم أتاهم بمثال ثاني وهو داعية من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو محمد بن عبد الوهاب حتى يتبين لهم أن هذا ليس خاصا بالرسول بل له ولأتباعه فهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان موجودا في الدرعية قرية في قلب نجد ودعوته وصلت إلى الآفاق فكلام إلياس وأتباعه أنه لا بد من الخروج كلام باطل يكذبه الشرع ويكذبه الواقع. Donc, Allah عز وجل, الشيخ النجمي حفظه الله رحمه الله تعالى, quand il leur a donné un exemple avec le prophète عليه الصلاة والسلام, il leur a ramené aussi un autre exemple, un deuxième exemple, par un داعي qui est Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, qui est quelqu'un qui suivait Mohammed alayhi salatu salam et qui suit la sunna de Mohammed alayhi salatu salam, pour leur montrer que la da'wa n'est pas particulière, n'est pas tout simplement, hein, et que le fait d'être resté dans une place n'était pas spécifique au prophète alayhi salatu salam. Quand même ses disciples, comme Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui suit le prophète alayhi salatu salam, qui suit la sunna de Mohammed alayhi salatu salam, il était à Dar'iyya, il n'a pas bougé de Dar'iyya, un village en plein cœur de Najd. Alors que cette da'wa est arrivée en Inde. Il est arrivé en Afrique du Nord. Il est arrivé, hein, partout en Afrique. Donc ça veut dire que les paroles d'Yel Mohamed Ilyas, le fondateur du Jama'at Tabligh, ainsi que le chiour d'Yel Jama'at Tabligh, ainsi que les disciples du Jama'at Tabligh, ce sont des paroles fausses. La législation les démonte. Et aussi, la réalité, le quotidien, le vécu, les démonte aussi. فهموا إخوة الإسلام ها؟ ففهموا حتى لا تقعوا في شراك هؤلاء. ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى, وأما قوله إن الإيمان يزيد بالخروج فهذا كلام غير صحيح أيضا, بل يزيد بالطاعة أيا كان نوعها إذا توفر فيها شرط القبول بأن تكون خالصة لله وصوابا على ما شرعه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى, ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فقراءة القرآن بالتدبر وقراءة السنة والتفقه في الدين والذكر المشروع ونوافل الصلاة والصدقة والصوم وغير ذلك, هذه هي التي تزيد في الإيمان, ليس مجرد الخروج. Cheikh Najmi dit mettre la troisième critique, il dit, quand Mohamed Ilyas il dit que l'iman augmente avec le fait de sortir, il dit ce sont des paroles qui sont fausses, qui ne sont pas avenantes. Il dit l'iman il augmente avec l'obéissance, n'importe qu'il soit l'obéissance à Allah Azza wa Jal, Et n'importe quel acte d'obéissance qui est accompli avec ces deux conditions qui font qu'il va être accepté, qui sont la sincérité et le suivi de la législation, le suivi de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui va ramener que la foi va augmenter. Il ramène un verset dans Surat Al-Imran qui dit Allah subhanahu wa ta'ala augmente ceux qui sont guidés. Il augmente leurs guidés. Hein? Ceux qui ont fait des œuvres et qui ont mis en application, Allah subhanahu wa ta'ala augmente leur foi. Donc le fait de le cher de nous dire, le fait de lire le Coran avec méditation, de lire la sunna, les hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, et de comprendre sa religion, de verser dans les sciences de la religion, et d'invoquer Allah comme il se doit, selon la législation, et de faire des prières surrogatoires, de donner l'aumône, de jeûner, autre chose parmi les actes, cela fait augmenter la foi, et non pas tout simplement sortir le khuruj, comme le prédente Jama'at Tabligh. Rabi'an yaqul al-shaykh, رحمه الله أما قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فهذا قد تركه التبليغيون مرة واحدة فهم حتى الأمر بالمعروف صراحة لا يفعلونه ولا يحبون من فعله أما النهي عن المنكر فإنهم لا يقتصرون على تركه ولكنهم يغضبون أشد الغضب وينفرون أشد النفور ممن ينكر منكرا ولو كان في البيان كما يقولون ولو كان المنكر له ولو قال المنكر له ما بال أقوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يشمئزون من ذلك جدا وربما فصلوه إن كانوا قد أدخلوه في حزبهم فإن الله عز وجل كنت لفت dit que vous ordonnez le bien, vous blâmez le mal, dit que ça, cet acte-là, Tibliri, ils ne le font pas, ils l'ont délaissé de côté. Ils n'ordonnent pas le bien, clairement, et ils n'aiment pas ceux qui le font. Ils ne le font pas, ils n'aiment pas ceux qui le font. Quant au fait d'interdire le mal, ils, ce n'est pas qu'ils ne le blâment pas, mais ils se mettent en colère quand quelqu'un blâme le mal. Se mettent en colère de lui, contre lui. Quand quelqu'un blâme le mal, devant eux, ils se mettent en colère. Même si c'est dans leur bayan, c'est-à-dire dans leur cours qu'ils font, qu'ils appellent bayan. Et même si celui qui a blâmé le mal, il a dit, qu'est-ce qu'ils ont certaines personnes à dire ceci ou à dire cela? Comme l'a dit le prophète, alayhi sallam, ben oh non, ils ont quelque chose dans le cœur, ils n'aiment pas ça. Ici, il fait partie d'eux, ils ne laissent pas cette façon de faire, de blâmer le mal, ils vont le rejeter dehors, ils vont le sortir de leur partie. Et voici une histoire qui est arrivée, un des chouïrs de Mekka, Jamil Zino Hafidallahu Ta'ala. Il a erré à travers plein de groupes avant de rencontrer Cheikh Nasser et de prendre la voie des Salafia. Il raconte comment il était avec Jama'at Tabligh. Un jour, quand ils lui ont donné à lire Riyad Salihin, il a commencé à parler du fait de que venir avec, en ayant mangé l'ail, ou l'oignon, et quand on sent l'odeur, etc., que c'est pas bon à la mosquée, qu'est-ce qu'il en est quand on fume, etc., parce qu'il a senti l'odeur de la cigarette dans l'assise. Bah, il paraît que lui, il raconte dans son livre comment j'étais guidé, quand après l'émir, s'est mis en colère contre lui. Il dit non, il faut pas dire ça, il faut rien dire, il faut laisser les gens, etc. Allez, ils sont comme ça. Il s'est arrivé à peur plusieurs de nos frères qui ont retrouvé la voie du puiseur d'Allah Alim. Des histoires énormes. Et même des fois, ils vont très loin. Quand quelqu'un fume encore, ils vont jusqu'à lui acheter des cigarettes. Des fois, ils disent même que s'il faut que quelqu'un, pour sauver quelqu'un, s'il faut même ramener de la bière et la mettre dans les toilettes, jusqu'à ce qu'il guérisse, il faut le faire. A'oudou billah. Et je l'ai entendu. خامسا أما تفسير أمة بأنهم العرب خاصة والناس بأنهم العجم فهذا التفسير لم أرى له فيه سلفا بل الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة عربهم وعجمهم وفي الحديث أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله والحديث أخرجه الإمام أحمد وقال الترمذي حديث حسن. Donc Cheikh Najmi de nous dire, rahimahullah ta'ala, quand il a expliqué Umma, la communauté, il a dit que ce sont les Arabes en particulier, et que Nas, les gens, c'est les non-Arabes, il a dit, cette interprétation, je ne l'ai pas vue chez aucun salaf. Aucun salaf n'a eu cette interprétation. Il a dit, mais quand le khitab, le discours, il a adressé à toute la communauté de Muhammad, les Arabes et les non-Arabes. Et dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et par Tirmidhi, il a dit que le hadith, il est hadith Hassan. Il est aussi dans le Tafsir Ibn Kathir et chez Tabari, rahimahullah ta'ala. Il dit que vous êtes une communauté qui est l'équivalent de 70 communautés. Et vous êtes les meilleurs et les plus nobles chez Allah Azza wa Jal. Toute la communauté de Muhammad alayhi salatu wasalam, arabe et non arabe. Pourquoi faire ces divisions comme ça? وقال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. وهذا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير. ها؟ باب كنت تفسير باب كنتم خير أمة. Donc et Abu Huraira de dire pour ce qui concerne la communauté, nous sommes les meilleurs gens pour les gens. On les guide avec les chaînes vers l'islam. Et ceci a été rapporté par l'imam Bukhari, rahmatullah alayhi, dans le livre de l'interprétation du Coran, dans son authentique chapitre, vous êtes les meilleures des communautés, la meilleure communauté. Et il a ramené cette parole d'Abu Huraira qui dit, nous sommes les meilleurs des gens pour les gens. Nous sommes meilleurs pour les gens. Nous sommes les meilleurs des gens, nous sommes les meilleurs pour les gens. On les guide avec les chaînes vers l'islam. وقال عبد الله بن عباس فيما روى الإمام أحمد والنسائي في التفسير كذلك وابن أبي شيبة وغيرهم والحافظ قال إسناده جيد قال هم الذين هاجروا من مكة وشهدوا بدرا والحديبية. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه pour parler de cette meilleure communauté, la meilleure des communautés, il a dit, ce sont ceux qui ont immigré de la Mecque, ils ont fait la bataille de Badr et d'Al-Hudaybiyya. Et le pacte, ils ont assisté au pacte d'Al-Hudaybiyya. Ceci est rapporté par l'imam Ahmed et par Nasa'i dans le livre d'Al-Tafsir, dans son authentique, et par Ibn Abi Shayba, et l'Hafid Ibn Hajar, il a dit dans le fait que c'est une bonne chaîne de transmission. وقال عمر بن الخطاب من فعل فعلهم فهو مثلهم. Et عمر بن الخطاب a dit cette parole énorme. Il dit, celui qui agit comme eux et qui met en application comme eux, ben il est comme eux. C'est-à-dire il est dans ce bien. Il est dans cet éloge qu'il leur a fait Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est rapporté dans Dar al-Mantour. Al-Suyuti. Et donc Omar ibn al-Khattab a dit pour parler de cette communauté, la meilleure communauté qui est sortie aux gens, il a dit celui qui agit comme eux, qui fait les mêmes actes d'eux, il fait partie d'eux, il est comme eux. Et dans le hadith authentique, ou dans le hadith sahih, khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, et le hadith akhrajahu al-Bukhari wa ghayruhu rahimahullah ta'ala, bab kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas fi kitab at-tafsir. Et aussi dans le hadith authentique, il est dit dans rapporté par l'imam Bukhari dans Kitab Tafsir, chapitre, vous êtes la meilleure des communautés qui est sortie aux gens. Les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération et ceux qui les suivent et ceux qui les suivent. Le hadith, il est authentique. يقول الشيخ النجمي فتبين من هذا أن الخيرية ثابتة لهذه الأمة على سائر الأمم ولصدر هذه الأمة على من بعدهم وللسابقين للإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه من الصدر الأول على غيرهم. الشيخ النجمي رحمه الله تعالى de nous dire et l'excellence de cette communauté est confirmée pour cette communauté par rapport aux autres communautés arabes et non arabes. Mais cette excellence, il va en priorité au premier, aux compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis, parce que les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam ont fait triompher l'islam, ont fait triompher le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ont fait Hein? Ont combattu avec le prophète alayhi salam. Donc ils rentrent en priorité dans cette excellence. Et ceux qui agissent comme eux, comme il a dit Omar ibn al-Khattab, bah, sont comme eux. Sadisan, yadhar min fahwa kalami, sadisan, fi ta'liqat Sheikh al-Najmi, rahimahullah ta'ala, yadhar min fahwa kalami, anna al-Arab laysu bihajatin ila tadkir, nanna Allah azza wa jal qali lina nabiyyi fi haqqim, fadhakkir innama anta mudhakkir, lasta alayhim bimusaytir, wa qala ma anta alayhim biwakil, fa in kana qasduhu hadha, fa huwa qawlun batilun, wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, la taqumu as-sa'atu hatta tadtariba aliyatu inasi dawsin ala dhil khalasa, wa huwa sanamun li daws, kanu ya'budunahu fil jahiliya, wa قال ايضا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Et aussi le sixième point, la sixième critique qu'a émis Cheikh Najmi contre les paroles de Mohamed Elias, dit il a parlé de ces paroles quand il a dit que les Arabes n'ont pas besoin de rappel parce que Allah a dit à leur sujet rappel, tu ne fais que rappeler, que tu ne dis là que pour faire le rappel et tu n'as pas pouvoir sur eux. Ou alors hein? Il a dit si son but c'est ça, c'est comme quoi les Arabes n'ont pas de rappel, c'est une parole fausse et non avenante. Car le prophète alayhi salam a dit dans le hadith authentique rapporté dans Sahih al-Jami', hein, dit l'heure, c'est-à-dire la résurrection n'arrivera que jusque hein, les femmes de Daous vont hein, commettre l'associationnisme sur Dil Khalasa, qui était une statue de Daous, que Daous adorait dans le paganisme. Et il a dit aussi ne devenez pas, alayhi salam, dans Sahih al-Jami' aussi, ne devenez pas des mécréants après moi, et que les uns coupent la tête des autres. Kadalika, al-ta'liqu al-akhir min al-Sheikh al-Najmi, rahimahullah ta'ala, hawla kalami Ilyas, qawlu, wa anna niyya fi al-da'wa ila islahi al-nafs, wa salahi. وصلاح الغير هي الدعوة المبنية على التوحيد وأن تكون خالصة لله صوابا على شرعه. الشيخ النجمي de nous rappeler que l'intention d'une da'wa c'est réformer son nefs et réformer l'autre et ramener l'autre vers le bien, et que cette da'wa doit être basée sur le monothéisme et qu'il doit être fait sincèrement pour Allah et selon la législation d'Allah Azza wa Jal. Cet acte de da'wa doit être fait selon la législation d'Allah Azza wa Jal. Il doit être fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Il doit être basé sur le monothéisme et dans la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Fa fi hadha al-qadr kifaya al-yawm inshaAllah. Wa subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khayran.